إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. الحمد لله الذي وفقنا لهذا الصيام المبارك، ونحن اليوم في اليوم الثاني من هذا الشهر المبارك. هذه نعمة، فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما بعد، فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه، وفضل مسابقته فيه بالأعمال الصالح، مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على كثير من الناس. الحمد لله mes chers frères, aujourd'hui c'est le 8e jour du mois du Ramadan. Et comme je l'ai précisé, et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a précisé dans le verset cité, c'est ce mois-là et ce jeûne-là, c'est partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens actuellement, parmi les musulmans, non pas parmi les mécréants, parmi les musulmans ne savent pas jeûner. Et ils sont tristes. Ils sont tristes de ne pas pouvoir jeûner, comme les malades par exemple. Le morda, il a dit son mot, mais il a aussi son mot. المرضى فانت الحمد لله صحيح قوي عندك الصحة نجم تصوم هذه ماشي نعمة كبيرة. On a préparé donc cette khutba là. On voulait parler un petit peu du mérite du mois du Ramadan, du mois béni, mais on a vu l'importance de parler surtout des choses qui sont permises pendant le mois du Ramadan que beaucoup de gens ignorent. Des choses qui sont permises que le musulman entend que jeûneur peut faire pendant le mois du Ramadan, mais il ne le sait pas. فالناس في استقبال رمضان وفي أثنائه على الصنفين. Il y a deux catégories de personnes pendant le mois du Ramadan. الصنف الأول ينقسم إلى ثلاث أقسام. La première catégorie de ces personnes-là se divise en trois. النوع الأول الذين يفرحون بهذا الشهر ويسرون لقدومه وذلك لأسباب. Il y a donc les gens qui sont contents quand le mois du Ramadan il arrive, même avant qu'il soit arrivé, ils sont contents. Ils farhou. Gal le Ramadan jay farhanin. Alaykoum salam. Donc, قلنا النوع الأول أنهم فرحانين بلقاء هذا الشهر المبارك. لماذا؟ أنهم عودوا أنفسهم على الصيام ووصلوها على تحميله، ولهذا جاء في السنة المطهرة الصحيحة النبوية الشريفة استحباب الصيام الاثنين والخميس وأيام البيض ويوم عرفة لغير الحاج ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده وصيام شعبان وغير ذلك من أنواع الصيام المستحب. Parmi les jours de jeûne qui sont sunna, qu'on rencontre dans la sunna authentique du prophète صلى الله عليه وسلم, il y a le jeûne du lundi et du jeudi. Il y a les jours de jeûne, le 13, le 14, le 15 de chaque mois lunaire. Il y a le jour de Arafa, pour celui qui ne fait pas le pèlerinage. Il y a les jours pendant le mois de Sha'ban. Alors la personne qui est habituée à jeûner comme ça, quand le mois du Ramadan il arrive, c'est facile pour lui. Wahdi met'aoud ala siyam. Ou jay Ramadan. Mais pourquoi il faut qu'il rigole, on a mis une somme ou là. Ou alhamdulillah, il y aura un somme au fichta. Un mal au khbar de Arafin ou Jalin Goul. Ou qui dit somme fait juillet ou l'août. Ou ta koula la rachara. Ou fil de la tchana tchbat. Hada ou somme sahih. Le haqiqi. Aujourd'hui, on jeûne jusqu'à l'heure de 5h à peu près, 5h10. Mais dans les pays chauds, et quand c'est au mois de juillet ou au mois d'août, tu es obligé de jeûner au moins 18 heures de jeûne. Et il fait chaud à 40-50 degrés. Les gens qui viennent des pays chauds, ils savent ce que je suis en train de te dire. Ils savent ça. Là, on va voir c'est quoi le vrai jeûne. Amma hadada. Rabbi waqabna, inshallah. Wallah, itaqabal mina ta'atana, inshallah. On demande à Allah qu'il accepte notre jeûne. Donc, ces gens-là qui ont eu l'habitude. Ils ont eu l'habitude de jeûner. Pour eux, le mois du ramadan, c'est facile. C'est facile. Parce que leur corps, il est habitué à jeûner. Moultin, ta'oudou. الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليعتادوا الصوم ويتزودوا التقوى. Et tout ça, ces jeûnes qui ont été instaurés par le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est justement pour s'habituer au mois du ramadan et pour aussi acquérir de la piété, de la crainte pieuse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأثار ذلك واضح فإنك تجد الذي يصوم النفل أيام البيض على الأقل. Celui qui jeûne pendant le 13, le 14, le 15 de chaque mois, tu regardes lui et tu regardes quelqu'un qui ne jeûne jamais. واحد ما يصومش خلاص. واحد يمول في الصيام تشوفه في أيام رمضان خاصة الأيام الأولى. Tu vois la différence. على الأقل لا يستثقل صيام رمضان بل هو عنده أمر طبيعي لا كلفة فيه ولا عناء. وأما الذي لا يصوم شيئا من النافلة لما يصومش خلاص ما يتعودش على الصيام. Celui qui n'a pas l'habitude de jeûner pour X raison, on va pas dire celui qui est malade qui peut pas jeûner, ou quelqu'un qui travaille dans un chantier, ou là quelqu'un qui travaille dans, chacun il sait ce qu'il fait. Mais celui qui peut jeûner mais qui ne jeûne pas, alors qu'est-ce que tu remarqueras? فإن رمضان يكون عليه ثقيلا شاقا. Le mois du ramadan quand il arrive, c'est dur pour lui, c'est dur, il le sait mais avec dégoût. Il somme mais je voulais encore, il somme mais je voulais encore. Ou qu'il y a un sac d'œil. Qui dit salat, ah. Qui dit siyam, ah. Sur le mashaqa. Hadi les ibadat, on est le mashaqa. Sur le yakra. Il y a des gens, quand le mois du ramadan ils arrivent, ils sont déjà dégoûtés. Ils aimeraient bien que ce soit le Eid avant le ramadan. Ah, subhanallah. Taqaddamu barakallahu fikum. Taqaddamu ila al-amam. Faites un petit peu de place pour les sacs qui viennent là. Barakallahu fikum. Wa laqad kana salafu hadi l'umma, rahimahumullah wa radiyallahu anhum. مثالا رائعا في الحرص على النوافل. Quand on regarde la vie des pieux prédécesseurs, on voit qu'il y a dans la vie des pieux prédécesseurs un exemple dans toutes choses. وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تتلمذ على يديه. Et celui qui s'est éduqué avec la main du prophète صلى الله عليه وسلم. روي عنهم في ذلك قصص عجيبة من ذلك. Et des histoires sur la vie des pieux prédécesseurs, il y en a beaucoup. Bien sûr, nous, dans une khutbah de Jumu'ah, on ne peut pas raconter toutes les histoires. Ça se fait avec le temps et avec les khutbahs qui viendront, Inch'Allah. Mais on va vous donner quelques exemples à titre d'exemple. Alors, anna qawman min al-salaf ba'u jariyatan lahum. Il y avait donc des gens pieux. Ils avaient des esclaves, ils avaient des servantes. Ils en ont vendu une. Et quand je dis esclave, ce n'est pas les esclaves qu'on entend, l'esclavage. Ou la... Non, ce n'est pas cet esclavage. C'est à l'époque des Sohaba, à l'époque des pieux prédécesseurs, quand ces gens-là, ils avaient des servantes. Ils faisaient plus qu'avec leurs femmes et leurs enfants. Ils faisaient plus qu'avec leurs femmes et leurs enfants. Aujourd'hui, nous, on dit l'esclavage, tout de suite, on pense l'esclavage, les chaînes, enfermées, ceci, cela. Non. C'était des servantes ou des servants. Donc ils ont vendu cette servante à un groupe de gens. لهم لأحد الناس. فلما أقبل رمضان أخذ سيدها الجديد يتهيأ بألوان المطعومات والمشروبات لاستقبال رمضان كما يصنع كثير من الناس اليوم. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire son nouveau maître? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire quand le mois du ramadan il était à l'approche? Il a commencé à préparer de la bonne nourriture, des boissons de toutes sortes. Et puis, comme aujourd'hui on fait, toute l'année on mange normalement, pendant le mois du ramadan, on fait masha'Allah, hadith wa la haraj. On fait du manger qu'on ne mange même pas. Pourquoi? Parce qu'on a les yeux plus gros que le ventre. Alors, on fait des achats inutiles. Si tu manges, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Si tu achètes et tu invites des gens, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais si tu achètes pour après jeter la poubelle, il est là le problème. Donc aujourd'hui, comme à cette époque-là, il avait acheté, il avait préparé de la nourriture, de la boisson, pourquoi? Pour justement accueillir le mois du ramadan. Bach istardesh har ramadan. Faqalat. Hadik al-jariya, wach qaltkhum. Limada tasna'una dhalik? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi tous ces achats? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qalou, l'istiqbali shahri ramadan. Faqalat, wa antum la tasumuna illa fi ramadan. Il a dit, c'est pour accueillir le mois du ramadan. Et cette parole, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle dit, pourquoi vous jeûnez que pendant le mois du Ramadan? En dehors du mois du Ramadan, vous jeûnez pas? C'est ce qu'il en a déduit. Wallahi, elle jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, laqad ji'tu min 'indi qawmin astalatu 'indahum fi anna kulluha Ramadan. Elle jure par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shitqul? Tqul bli 'indhum hadouk an-nas li jit min 'indhum sana kamla ki anna Ramadan. Elle dit que l'année entière chez ces gens-là, c'est comme si c'était le mois du Ramadan. Pas simplement cette période-là. Alors elle ne se sentait pas bien, cette femme-là. Elle ne se sentait pas bien. Elle a juré. Wallahi laqad ji'tu min 'indi qawmin as-sanatu 'indahum fi anna kulluha Ramadan. La hajata li fikum rudduni ilayhim wa raj'at ila sayyidiha al-awwal. Alors cette femme-là, elle a dit, je veux que vous me rendez de là où je suis venu. Parce qu'elle savait la taqwa de Dieu, elle savait le khouf min Allah, l'adab, le soulouk, le din al-haqiqi wa ar-rah, ماشي غير الاكل والمشروبات. وكان لدي الحسن ابن صالح ينطق استوى في صمبلا دالسي وهو من الزهاد والعباد الورعين الاتقياء جارية فاشتراها منه بعضهم فلما انتصف الليل عند سيدها الجديد قامت تصيح في الدار الصلاة. Cette deuxième servante-là, c'est une autre histoire qu'on rencontre dans les livres des pieux prédécesseurs. Cette dame-là, elle faisait beaucoup la prière la nuit. Elle se levait, elle priait. Alors, elle avait l'habitude de se réveiller. Quand elle s'est réveillée, lorsqu'elle a été vendue à des nouveaux maîtres, elle a vu que ses maîtres ne se levaient pas faire la prière. Mais ils commencent le lit. Voilà, chez. Man koulous koumous salé achirin ou la tlatin raka. Kit koum khatra khatra salé raka fin lillah. تتوضا تصلي ركعتين وتدعي فيها رب العالمين خير من الدنيا وما فيها. عود نفسك على الخير. alors cette dame là quand elle habite la maison il y a des personnes qui des morts des gens ils sont là mais ils sont morts. elle a eu peur la prière salat la prière les gens ils se sont réveillés comme ça en sursaut ils ont eu peur. فقاموا فزعين وسألوها هل طلع الفجر ايش وقت الفجر. C'est l'heure de faire la prière du Fajr. فقالت وأنتم لا تصلون إلا الفريضة أي المكتوبة. Et vous ne connaissez la prière que la maktouba, que la prière obligatoire. En dehors de ça, vous ne connaissez rien d'autre. فلما أصبحت رجعت إلى الحسن ابن صالح وقالت له قد بعثني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفريضة أو المكتوبة. Elle s'est plainte à son ancien maître. Elle dit, toi, tu m'as vendu à des gens qui ne connaissent la prière que la prière obligatoire. Je voudrais que tu me reprennes. ولا يصومون الا الفريضة اي النجوم كل فريضة اي رمضان فردني فردها alors elle lui a demandé de la reprendre. Il l'a repris parce que tربت على الناس صالحين اتقياء زهاد. Elle a été éduquée où ces dames là ces servantes là? Elles ont été éduquées dans des maisons de gens pieux, des gens de science, des gens qui قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est ça. Aujourd'hui, nous n'avons qu'à l'aider de Allah. Nous avons un nabine de l'ouïrata. Nous n'avons qu'à l'aider de l'aider. Nous n'avons qu'à l'aider de l'aider. Non, nous n'avons qu'à l'aider de l'aider. On est né, on a grandi dans des familles qui ont eu l'islam mais avec l'héritage. Alors aujourd'hui, quand on essaie de retourner aux sources, al-manba' al-asl, wa huwa al-Qur'an wa al-Sunna, ka'annana na'ti bi ashya'a jadida. Quand on retourne à la source, et quand on dit aux gens, ou bien à soi-même d'abord, de revenir à la source qui est le Coran et la Sunna, comme les pieux prédécesseurs l'ont compris, on a l'impression de faire des choses nouvelles en religion. Qu'elle a dit une chose nouvelle. Oui, c'est la vérité, mais ce n'est pas une chose nouvelle. C'est une chose que nous avons. Ce n'est pas une chose. Nous. La deuxième catégorie des gens, ce sont « Annaum ya'lamouna anna l'imtina'a min al-ladat fi hadhi dunya » سبب لنيلها في الآخرة فإن امتناع الصائم عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات في نهار رمضان طاعة لله عز وجل يكون سببا في حصوله على ألوان الملذات الخالدة في الجنة فلقوة يقين المتقين بذلك يفرحون بقدوم هذا الشهر المبارك. La deuxième catégorie des gens, ils savent que ceux qui vont se priver de manger, de boire, de toucher les sables, c'est-à-dire leurs femmes bien sûr, et tous ces plaisirs que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis quand on n'est pas en état de jeûne, eux, ces gens-là, pourquoi ils sont contents du mois du Ramadan? Parce qu'ils savent que cette période-là, ils vont se priver de tous ces biens, Mais ces biens-là, s'ils le font pour Allah, subhanahu wa ta'ala, ils le retrouveront bien meilleur et des biens qui ne vont pas périr le jour du jugement dernier, c'est-à-dire fil jannah. Allah m'a jannah, ya Rabbi. Ya'qub li wahid li imtana min ash-shurb wal akl wa kull hadhihi al-umur yalqaha 'inda Allah subhanahu wa ta'ala fil jannah. ومن دخل الجنة لا يخرج منها أبدا. Celui qui va rentrer au paradis ne sortira jamais du paradis. أما المسلم الذي يدخل النار سيخرج بإذن الله. Le croyant, quand il rentre au paradis, il faut savoir une chose, mes frères et mes sœurs, c'est que jamais il ne sortira du paradis. Celui qui est rentré au paradis, jamais il ne sortira du paradis. Mais celui qui est rentré en enfer parmi les croyants, il sortira un jour. Combien de temps ? Allahu a'lam. La troisième catégorie de ces personnes-là, c'est qui ? أنهم يدركون أن هذا الشهر من أعظم مواسم الطاعات والتنافس في القربات ويعلمون أن الله عز وجل يجري فيه من الأجور ما لا يجري من في غيره من الشهور ففرحوا فرحة المشتق بقدوم الحبيب الغائب أو أعظم من ذلك. La troisième personne ou la troisième catégorie de ces gens-là qui sont contents quand le mois du Ramadan il arrive, ils savent que c'est un mois où c'est une compétition entre les gens, les frères, pour faire le bien. C'est normal, tu vas voir ton frère, il lit du Qur'an, tu vois ton frère, il fait du dhikr, tu vois ton frère, il fait du un, toi tu veux l'imiter. Par exemple, ton frère qui lisait peu de Qur'an ou qui faisait très peu de du'a, pendant le mois du Ramadan, il va multiplier ses du'a. Toi ça va t'encourager, tu te dis, mais lui je le connais. Lui quand c'était pas le mois du Ramadan, il faisait du'a. Lui, quand c'était pas le mois du Ramadan, il faisait du dhikr. Lui, quand c'était pas le mois du Ramadan, il lisait une petite demi-heure de Coran. Là, je le vois pendant le mois du Ramadan, il est assis là pendant deux heures, il lit le Coran. Et lui, il fait beaucoup de dhikr. Et lui, il fait du dua. Ça va t'encourager. C'est la compétition entre le bien et entre les frères. La deuxième catégorie. Donc, on a dit quoi ? On a deux catégories. Première catégorie avec trois sortes de personnes. Et deuxième catégorie. الذين يستقبلون هذا الشهر ويستعظمون مشقته فإذا نزل بهم فهو كالضيف الثقيل. هنا deuxième sorte des gens, le mois du Ramadan n'est même pas arrivé, ils sont déjà dégoûtés comme on a dit. Ah là là, le mois du Ramadan, un mois tiré encore. Qui c'est qui va nous aider à le faire ce mois-là? Voilà, c'est dur. Toujours en train de se plaindre ces gens. Au lieu d'être contents là, ils sont dégoûtés. C'est même pas triste. Vraiment, on dirait qu'ils n'ont même pas envie de le faire. Il a fait, s'il n'a pas envie de faire le mois de Ramadan, ne le fais pas. Ne va pas casser la tête aux gens. Subhanallah. Qu'est-ce que tu as comme si l'invité que tu n'attends même pas. Tu es tranquillement chez toi, ça sonne à la porte, des invités. Ah, tu le regardes, tu ne t'attendais même pas qu'ils viennent. Et quand ils viennent, tu comptes les heures. Voilà, bon, ça y est, il a mangé, allez. Salam alaikum. Qui te met des avec les maillards ou les maillards qui gardent le canapé? Il dit, ou tu as préparé que tu fasses ça. Tu te dis, oh, on ما فهمش روحه هذا وانت تبقى غير تملاح وتبين وكذا وما يفهمش روحه كاينين هكذاك ان بعض الناس هكذا تيجي رمضان يتقلقوا كما كيبدا يبقى الاخر يحسبوا له شحال بقى هذا اليوم الاول هذا اليوم السابع هذا يوم شحال بقى له بقى له 20 يوم بقى له 15 ومتقلقين ويبقى غير يحسبوا فهو كالضيف الثقيل يعودون ساعته وأيامه ولياليه منتظرين رحيله بفزاع الصبر. Ils attendent comme si, je ne sais pas ce qui était tombé sur leur tête, ils veulent que ce mois du Ramadan il part comme il est arrivé. فيفرحون بكل يوم يمضي منه حتى إذا قرب العيد فرحوا بدخول أو بدنو خروج هذا الشهر. Et quand il reste à peu près quelques jours de l'Eid, ils sont contents. Ils sont contents de quoi? De l'approche de l'Eid. Non pas parce que c'est l'Eid qui arrive et qu'on est content d'avoir fait cet acte obligatoire et méritoire. La machine al-Bak. Farhani parce qu'on l'aïe khruj. Au contraire, ils sont contents parce que ce mois du Ramadan qui va partir, ils sont contents. Non pas le contraire. Le contraire, c'est que tu es content parce que, alhamdoulilah, tu as fait un mois du mois du Ramadan tranquille, tu as jeûné, tu es content. L'Eid il arrive, dit t'as parti. Comment là là? فرحانين باسكو كانوا يحسبوا في رمضان وين سيخرج. Ils étaient contents parce qu'ils attendaient 15 rien que le mois du Ramadan il sort. أيها الإخوة بعد هذه المقدمة إليكم مباحات الصيام في رمضان. Ça c'est une petite préposition ou une petite préparation pour vraiment venir dans le vif du sujet. comme on l'a dit à l'ouverture de la khutba, il y a des choses que beaucoup de gens ne savent pas. On ne leur en veut pas, ces gens-là. Mais qu'est-ce que vous avez dit? On n'est pas des savants et tous les jours on découvre des nouveautés et on apprend notre religion et on avance pour le but accéder à l'agrément d'Allah. Donc on a dit الاستحمام والاستعمال الماء والانغماس فيه لدفع عطش شديد أو حار شديد كذلك أو لرقع جنابة لما رواه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه حدثه فقال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحار. Il est permis pendant le mois du Ramadan de prendre sa douche quand tu as trop chaud, donc tu prends une douche tiède, ou quand tu veux enlever la janaba, l'impureté majeure, ou par exemple quand il fait très chaud et tu as soif, de te prendre un petit peu d'eau comme ça et faire du gargarisme pour enlever la ratache. Ça c'est permis. Le prophète le faisait quand il faisait très très chaud ou quand c'était pour enlever justement l'impureté majeure. Rawahu Ahmed wa Malik wa Abu Dawud. وفي الصحيحين كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. Le prophète عليه الصلاة والسلام il se réveillait parfois où il était dans il avait sur lui l'impureté majeure, il était en train de jeûner et il faisait la douche. Il n'y a pas de problème à ça. فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح لكن عليه تجنبه وتحرز منه. Si maintenant quelqu'un il prend sa douche et il y a de l'eau qui est rentrée un peu dans sa bouche et il avale un peu d'eau, c'est ça involontairement. Son jeûne, il est valable. Il n'aura pas à rendre ce jeûne. Deuxièmement, الاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين سواء أو أوجد طعامه في حلقه أم لم يجده لأن العين ليس بمنفذ إلى الجوف. Celui qui met du kohl dans les yeux, le noir, que ce soit un homme ou bien une femme, pendant son jour de jeûne, ou bien qu'il met des gouttes pour les yeux quand il est malade, c'est permis. Il n'y a pas, ça ne lui annule pas, son jeûne. عن أنس رضي الله عنه قال أنه كان يكتحل وهو صائم. Il mettait du kohl dans ses yeux et il jeûnait. ثالثا القبلة لبيزي لمن قدر على ضبط نفسه فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الحقيقة الأمور إنسان في الحقيقة باش نهضروا الواقع ونهضروا يعني كان حوايج إنسان يحشم باش يهضر فيهم ولكن هذا من واجبي il y a des choses c'est vrai que tu as un peu de pudeur le musulman il doit avoir de la pudeur. Il ne faut pas parler comme ça ouvertement et n'importe comment. Il y a des choses, on n'a pas été habitué, on n'a pas été éduqué à parler surtout devant des grandes personnes qui auraient pu être ici notre grand-père ou notre père. On n'a pas été habitué. Il existe une parole dans la religion comme ça que les gens disent, et c'est une erreur de dire ces choses-là. Il n'y a pas de honte en religion. Si, il y a de la honte. Il y a de la pudeur. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بدعنا 70 شعبة وفي رواية بدعنا 60 شعبة. La foi c'est 73 degrés, dans une autre version 63 degrés. Que ce soit 73 ou la 63, il y a أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى من الطريق. Le plus haut degré c'est لا إله إلا الله. Et le plus bas degré, c'est le stop de nettoyer une chose qui pourrait faire du mal à un passant ou à un animal. La pudeur, ça fait partie de la foi. Donc, il y a un peu de la foi. قلت له شحال عندك في عمرك؟ قال لي عندي 60 سنة. قال لي واش عندي 60 سنة؟ قال لي ملي تزوجت هذه أكثر من 40 سنة يكترث البلها من زوج الصف ما تنافح تنجني الأخبار بل الإنسان في جنة زوجته لازم يتدوش يغتسل باش يصلي وأنا ما كنت نعرفها إلى الآن كنت أنا جنة زوجتي ونعود نتوضى بالصلاة ونصلي شفت الحشمة وين تبديت ce viola-là qui avait 60 ans, il m'a dit mon fils j'ai quelque chose à dire mais j'ai honte. Ça fait 40 ans que je suis marié avec ma femme et je viens d'entendre ça dernièrement. Bon, j'ai honte de te le dire mais je vais te le dire quand même. Quand j'avais un rapport avec ma femme, je ne prenais pas la douche pour enlever l'impureté. Je me levais, je faisais les petites ablutions et je faisais ma prière comme ça pendant 40 ans. Je lui ai dit, tu vois la honte et la timidité de ce qu'elle t'a ramené? Pourquoi tu n'as pas demandé? J'avais honte. Non, il y a des choses en religion, on doit demander. Il y a des choses, on doit demander. Mais il faut savoir les demander, comme il faut savoir les donner les réponses. C'est pas le dire qu'il y a bidon ihtiram ou bidon adab. Donc on a vu le qubla. Le qubla, c'est le fait d'embrasser. L'imam qadira alayhi, comme a bayan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu adina li shaykh al-kabir wa lam yadam li shab. عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم للبروفيت عليه الصلاة والسلام لا أغضني الجمع إلى ترمي أن ترسل أجي لتوفر أمراسي السفا لإن فترمي أجن وعلل ذلك لأن الشيخ يملك نفسه أما شبلة et c'est quoi la sagesse de tout ça c'est que le vieux lui il peut maîtriser ses sensations mais le jeune il ne peut pas maîtriser ses sensations alors le jeune il peut lui embrasser sa femme quand il rentre à la maison ou quand il sort il dit salam alaykoum sa femme et il s'en va comme ça il fait un bisou et il sort bah riche c'est de ce bisou qui est mentionné là mais c'est pas le blâme de pourquoi c'est pas facile wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam kana yubashiru wa huwa sa'im wa kana أملككم لإربه متفق عليه الحديث رواه البخاري ومسلم رابعا الحقنة سواء أكانت في العرق أم تحت الجلد فإنه وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ للعتاد الحقنة لا transfusion sanguine quelqu'un qui est malade mais qui gèle il va à l'hôpital pour faire une transfusion sanguine. Il peut faire la transfusion sanguine tant que ce n'est pas une transfusion qui va le nourrir. Ça veut dire quoi? Il ne va pas avoir du glucose. Les gens qui sont malades, ils ont besoin des fois de prendre comme les diabètes du sucre, du glucose. Ça annule le jeûne si on te fait rentrer du glucose. Pourquoi? Parce que c'est pour que tu sois fort. Ça, c'est une transfusion sanguine pour faire rentrer des médicaments. Un exemple, quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas manger les antibiotiques par là, par la bouche. Alors ils vont lui mettre les antibiotiques par la veine. Ça ne rompt pas le jeûne. Ton jeûne, il est sahih. فَإِنَّهُ تَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَنْفَذِ الْمُعْتَادِ وَالْحُقْنَ الَّتِي يَقُولُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تفسر بالصائم هي التي توصل الدواء إلى بطنه من مخرجه وقوله حق ولكن Mais il existe, comme on vous l'a dit ici en une phrase, لكن يوجد في هذا الزمن حقنة أخرى وهي إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء يقصد بها التغذية. Et l'autre transfusion sanguine, c'est celle qui est pour nourrir le malade. Bon, quelqu'un quand il est malade, il ne jeûne pas. Quelqu'un quand il est malade, pourquoi il va se forcer? العرب تاعنا يقول لك كيف هنا تلقاه مريض خاو رايح يموت يقول لك لا انصوم يا اخي راك مريض ماذا مرات مريض اسمه الجن تفطر ويقول لك لا لازم عيب كيف الناس يقولوا بلي او فطر لا عندنا هذه شويه مي نو نورمالمون كون سوي مالاد تي لي جن با اون فوا تو غيري باذن الله تي برون لي جور كو تو مونكي تون جن خامسا الحجامه وهي أخذ الدم من الرأس أو غيرها من أعضاء الجسم. C'est les ventouses. Les ventouses, c'est le fait de retirer le mauvais sang qui est dans la tête ou bien dans un autre endroit du corps. فقد احتجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a fait donc les ventouses alors qu'il jeûnait. رواه البخاري. إلا إذا كانت. Mais il y a aussi par exemple une hijama qui est déconseillée. C'est celle qui va t'affaiblir quand tu sais que déjà toi-même tu es faible. Celle-ci, elle est déconseillée. إذا كانت تضعف الصائمة فإنها تكره له. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث ليس صحيح، حديث صحيح على كم مبطر. On a deux hadiths maintenant sahih. Un qui dit qu'il ne faut pas faire ça, et un qui dit que tu peux le faire parce que le prophète عليه الصلاة والسلام l'a fait. رواه أحمد فهو منسوخ للحديث الذي قبله. ولكن هذا الحديث صحيح، il est منسوخ، il a été aboli par l'action du prophète صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فقال الثابت لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الدعم. رواه البخاري وغيره. والفصد كذلك هو أخذ الدم من أي عضو لتحليل الدم. الفصد سي أوسي أون أوتر فاسون ماتنون، مي أ لانفيرس. سي كوا؟ سي دو روتيري دو سان بار أون فيل أو دون أن أوتر أندروا دو كور بور لاناليزي. كيلكان كي في أون بريز دو سان، ça ne va pas lui rompre son jeûne. Il peut faire la prise de sang, son jeûne il est toujours valable. La piqûre, comme on a dit, la piqûre, si c'est une piqûre qui ne te donne pas du manger dans ton ventre, qui ne te donne pas des forces, du sucre en général, il n'y a pas de problème. Si c'est une piqûre, il existe une piqûre. Mais si ce n'est pas une piqûre qui va te nourrir, il n'y a pas de problème. Si c'est une piqûre qui te nourrit, là, il va tenir la كما نقولوا الإبرة هذه تعطيك الماء لا تقويك هذه لا. أما إذا كان دواء أنتيبيوتيك ولا حاجة هذاك لا، هذه يجوز. رواه البخاري وغيره. سادسا المضمضة والاستنشاق، إلا أنه تكره المبالغة فيهما. المضمضة هو مثلا المضمضة والاستنشاق، في واحد يكون يتوضا يدير الماء في فمه ويبدا يدير هكذا، هذه هي المضمضة. والاستنشاق كي تدخل الماء في نفس وتجبد هكذاك، والاستنثار هو خروج الماء الذي أدخل في الأنف. هذا يجوز لك ولكن بدون مبالغة. Pendant que tu es à jeun pendant le mois du Ramadan ou un autre jour, mais tu jeûnes, tu peux le faire mais sans exagération. C'est-à-dire que tu prends un peu d'eau gentiment. Et le nez, la même chose. Mais si tu n'as pas, si je veux que tu aies fait le nez, il n'y a pas de problème. C'est un, l'aqif ibn Sabara, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala, fa'idha stanchaqta, fa'abliq, illa an takuna sa'ima. Rawahu ashab as-sunan. Wa qad shariha ahlul ilmi, as-sa'ud. Wujnu as-sa'ud, huwa wad'u ad-dawat al-anf. As-sa'ud, c'est les gouttes que tu mets dans le nez ou autre médicament que tu fais rentrer dans le nez. هذا لا، هذا مكروه. وبعض أهل العلم من منعوا بتاتا les gouttes pour le nez ou d'autres médicaments que tu vas faire rentrer par le nez. Les gens de science, les ulama, ils ont déconseillé, mais fortement déconseillé ces choses-là. D'accord ? On continue. وقال ابن قدامة إن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه. Celui qui fait par exemple bien sûr le madmada et le sinchar, mais que de l'eau rentre involontairement, il n'y aura pas de problème pour lui parce que ça a été fait volontairement. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا. On continue donc avec septièmement. Sabian. Donc الطعام بشرط عدم دخوله في الحلق. Une femme qui fait la cuisine ou bien un homme qui fait la cuisine aussi bien sûr, il a le droit de goûter la nourriture qu'il est en train de préparer, la charba, la harira ou la couscous ou la tsi ou la yhabbitou. Il doit, ولكن ما يبلعش. Il lui est permis de goûter sans avaler. Ça c'est permis. Ou bien, quand tu veux acheter quelque chose, ça se fait beaucoup aussi dans certains pays, ici moins, mais surtout dans des pays où les gens font déjà la préparation dans un restaurant, là, quelque chose comme ça, tu peux goûter légèrement pour voir si c'est bon. Mais sans avaler la nourriture. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء الذي يريد شراءه ما له ما لم يدخل حلقه وهو الصائم. حديث حسن رواه ابن أبي شيبة. طبعا احنا نجيب لكم أحكامها لباك بلك الأحكام نخلوني كيفاه طعام لنا ولا لا. هنا نتكلم عن الدليل الشرعي فيه ما نتكلموش. Si on n'a pas un argument tiré du Coran ou bien des hadiths authentiques, parce que le hadith est le qatil, le hadith est le ba'ita, c'est le mandoua, c'est la asalam. Anna, ma annash aya ou la ma annash hadith ta'ih, c'est adal chutum, manet c'est le mouchfé. Si on n'a pas d'argument tiré du Coran ou bien du hadith authentique de la sunna du prophète, où il n'y a pas des pures prédécesseurs, salafuna salah, radiallahu anhum, ils nous ont devancé dans cette cause-là, on ne mettra pas en application. ما دام كان أدلة، أنت تقول أدلة. ذكرًا، وكذلك يباح له ما لا يمكن الاستيراد عنه ببلغ الريق. par exemple quelqu'un qui ne peut pas retenir sa salive, il est obligé de la valer. pas que deux minutes, il ne va pas se faire cracher parce que il ne faut pas qu'il abatte sa salive. si tu abattes ta salive, il n'y a pas de problème. Ou bien, un autre exemple, c'est Robert Tariq, la poussière dans la rue. Des fois, tu arrives dans des rues où il y a de la poussière. Surtout dans les pays africains, les pays arabes, les pays indiens, il y a beaucoup de poussière. Ah ben, quand il y a de la poussière, tu avales de la poussière, la berce a dit qu'il y en a. Ou Gherbalat Dariq, celui qui travaille dans le blé, tous ces trucs-là. Des fois, il y a de la poussière de blé qui monte. Là, il n'y a pas de problème. Ou Al-Nukhama. Al-Nukhama, c'est quoi? C'est les glaires. Des fois, il t'arrive d'avoir des glaires, ces genres de glaires-là. Ces glaires-là, quand elles sont petites, si tu les as avalées, c'est pas grave. Mais les glaires, les grosses glaires, celles-ci, il faut les faire sortir. Que ce soit l'homme ou bien le mari, ou bien la femme. Elle doit les enlever. Al-Nukhama wa hiya ma taqruj min al-sabr. Des fois, ça sort de la poitrine ici, ou bien des fois, awmin al-alf, wa hiya al-bulghu bil-ghaliz, alladhi yahsalu lil-insan taratan min al-sudur. صارت من الرأس هذه يجب على الرجل أو المرأة بسقها وإخراجها وأدل السلاعي donc cette grosse glaire là il faudra la jeter et non pas la garder mais les petites glaires qui des fois descendent comme ça involontairement en bas ces glaires là tu peux les abandonner deuxièmement من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة celui qui a mangé ou qui a bu parce qu'il a oublié, ou parce qu'il a fait une erreur, ou bien il a été forcé, on l'a attrapé, on l'a enchaîné, on lui dit maintenant tu vas manger, tu vas taper pour moi du ramadan. Et on t'a mis du pain, on t'a fait boire pour de bon. Ton jeûne il est valable, et tu n'auras pas à rendre ce jour-là. قال صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. Pourquoi? Parce que le prophète, il a mentionné dans ce hadith-là, il a dit que celui qui a bu ou qui a mangé en oubliant, alors qu'il continue, une fois qu'il s'est rappelé, ça peut arriver, tu es en train de jeûner, tu vas boire un verre d'eau, Alhamdulillah, le Bissakha. C'est ce que j'ai fait. On est au Dakar de l'île, Raksayo. Alhamdulillah, Shakhak Allah. C'est Allah qui t'a abreuvé, donc tu n'auras pas à rendre ce jour-là. Tu continues. C'est pas de bon, là, ça n'a fait qu'un kamel. Non, je ne continue pas. Je m'arrête au moment où je m'en rappelle et je n'aurai pas de rente à jour. Je n'aurai pas de jour à rendre, excusez-moi. Muttafaqun alayhi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam kadhalika, inna Allah wada'a an ummati al-khatar wa al-nisyan wa mastukriha alayhi. Rawahu ibn Majah. Donc ce hadith-là, celui qui a oublié ou qui a fait l'erreur ou qui a été forcé, marqua alayhi al-qalam. Il n'aura pas de jour à rendre, il n'aura pas le kafar. كذلك من ضرعه القيد ينصرفها ici bien qu'il y a encore nous sommes arrivés que à la neuvième permission et là j'en avais compté 20 mais vu le temps je suis obligé de m'arrêter inchallah la semaine prochaine on continuera la suite en rapportant d'autres mérites de ce jour là mais pour terminer كذلك من ضرعه القيد celui que ضرعه أي غلبه celui que le vomi des fois tu manges et tu n'as pas bien digéré la nuit, le lendemain tu te réveilles, et puis tu vomis. Tu n'as pas vomi volontairement, tu as vomi involontairement. Mais si tu as une prégnette, le qiyya, il y a un wahdou. Il y a un wahdou. Il y a un wahdou. Il termine ton jeûne, il est valable. tu n'auras pas de jour à rendre. Mais si maintenant, tu es ballonné, tu n'es pas bien, tu as mal au ventre, et tu vas mettre tes doigts pour te faire vomir, là, là tu ne devras rendre ce jour-là. كذلك في من درعه القيس اي غلبه فلا شيء عليه قال صلى الله عليه وسلم بقوه السيد محمد صلى الله عليه وسلم ابي من درعه القيس فليس عليه قضاء ومن استاق فليقضي او فليقضي صحيح رواه ابو داود يمكن من غلبه الموتي ان تفيد السواك للصائم للسواك سواء السواك في بطولة pendant le mois du ramadan on peut mettre le سواك et se nettoyer la bouche avec. قال صلى الله عليه وسلم ولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء رواه البخاري. Le siwak, le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit si je n'avais pas eu peur pour ma communauté, j'aurais ordonné de faire le siwak عند كل وضوء. Et dans un autre hadith عند كل شيء, dans toute chose. Pas que dans le wudu. Dans le wudu, quand tu vas lire le Coran, avant de commencer ta prière, avant de dormir, en te réveillant le matin, il y a comme ça des mérites du siwak, il y en a beaucoup. Rawahu al-Bukhari. Le sahab ou le sa'im, en yatasawwak athna as-siyam, wa la farqa bayna awwal an-nahar wa akhirih. Il n'y a pas de différence pour celui qui jeûne de faire le siwak le matin, l'après-midi ou le soir. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yatasawwaku wa huwa sa'im. Falam يخص للصائم أو الغير الصائم كل celui qui jeûne ou celui qui jeûne pas c'est méritoire de faire le siwak وهو عام في كل الأوقات قبل الزوال أو بعده وبقوة si j'ai bien précisé قبل الزوال أو بعده parce que des fois on peut trouver dans des livres de jurisprudence islamique on peut trouver des livres qui nous disent non tu n'as pas le droit de faire le siwak que après le zénith et après l'hiver quand midi il est là, après-midi, oui, tu peux, avant, non. Alors que le hadith ici, il mentionne qu'il n'y a pas de temps. Tu peux, le matin, l'après-midi, le soir, utiliser le siwak. Il y a le siwak, c'est le bihada, il y a un amour, car il y a un bayak, ou un asrabanin, ou un yakra, ça, inchallah, il y a un intérêt de la... Non. Non. Voilà, comment c'est qu'à la fin. Ce que Cheikh vient de faire ici, c'est terminé le jour du vendredi. Hajab est al muhaqqiqin. Hajab est al muhaqqiqin. Cheikh, jazakallahu khair, nabbahani bi shay. Nabbahani bi shay. Ou hada yadoul fi athna al khutba. L'imam yakhtab yansa haja. Ou la yakhlaq fi haja. Yadoul lil ma'amoum, ida tanabbah lil khata, ou lil ghalat, ou lil sa'ida, an yaladhi hal ilaji athna al khutba. Ce que Cheikh vient de faire ici, c'est fermer le jour du vendredi. C'est vrai que des fois, on ne voit pas ces choses-là. Parce que pourquoi on ne connaît pas beaucoup de choses en religion. Ça viendra, Bismillah. Si le don lui-même fait une erreur, ou si lui-même oublie quelque chose, ou si, par exemple, une personne veut faire profiter l'assemblée, parce que lui-même, il a oublié de la dire, il est permis d'interrompre la khutba pour le bien de l'assemblée. Donc le frère qui vient de faire, Jazahullah Akhira, Jazahullah Akhira Matan Ukhra, il m'a dit que ce que tu as montré, c'est Arab al-Hara. Mais le siwak, peut-être c'est mentionné ici, bien que c'est l'arbre al-hadith, sahaba kalam istamilu la hada. Mais le siwak, il veut dire sûr, c'est quoi? C'est le siwak que les femmes utilisent de couleur rouge et qui pique. Et en plus de ça, qui a un goût. Ce siwak-là, il est marron. Les femmes, elles le mettent en général, c'est les femmes qui utilisent ce siwak-là, elles le mettent dans la bouche, elles le mettent dans un laps de temps, les dents deviennent blanches et les gencives deviennent rouges. Celui-là, il est piquant et il a un goût. Celui-ci, الله أعلم بحكمه. فلذي الله أعلم بحكمه. سكوالا لا هذا. إلى الوقت أن يقول سل الله لسه. On n'a pas pensé à faire nos recherches dessus. Mais ce siwak là, عند العرب, il est terminé. بارك الله فيك يا شيخ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك الصغير. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا التراويح ودعاءنا. اللهم اغفر للجميع. اللهم لا نقول هذه جميع الناس لأن كلم شاعر في الجنة وشاعر قليل في الجنة وقليل في النار. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سبب من الناس ومن يقول اللهم هذه جميع الناس c'est le message de Allah qui nous aide. Même si on dit, oh Allah, guide le monde entier, on ne peut pas dire ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des gens voués pour l'enfer et des gens voués pour le paradis. Mais nous, ce qu'on peut dire, Allahumma ghallib aghlabahum min al-jannah. On demande à Allah que la majorité au paradis et peu de gens en enfer. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et pour ceux qui veulent plus de science, tirez uniquement du Coran et de la Sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension de ses prédécesseurs, Salaf Saleh, allez sur notre site internet da'wa.com www.darwa.com. Vous y retrouvez de très nombreuses cassettes audio, vidéos, articles, livres, fatwas, traduits de l'arabe en français, Inch'Allah.